mwen ka pè kadans Le ou ka alonje Koran le mwen Jiska demen Mwen vle senti po ansante Nou se tan nou ke la zemen maten Charlie quand j'mets du beau J'adore quand tu me dis on est c'est toi le plus beau Mais celui que j'préfère celui qui me fait grimper au rideau A n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio Tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres donc on t'aime trop On sait tous qu'avec toi on passera des moments très chauds A chaque fois que tu te sens seul n'hésite pas qu'on prend son numéro Toi-même tu sais qu'une fois de plus ce sera très chaud Qu'elle se retrouve contrainte Noir à lunettes, vie solo Homme de zoo, homme de soupe Ce malhonnête se coucie Si j'ai pas elle, j'ai sa cousine Elle est cousine, si coussa la grosse humaine Je mettrai un coup Angela, moi je défends tu vois Pendant papa au palais Le ou ka alonje